Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 13 octobre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. Célébration ce jeudi 13 octobre du 55e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, fondateur du parti Uprona et héros de l'indépendance du Burundi. L'actuel président de ce parti affirme que ce parti garde la ligne de son fondateur malgré les dissensions qu'il a connues en son sein. Et dans son homélie au cours de la messe de circonstance, Mgr Evariste Ngoyagoye est revenu sur la compassion qui devrait caractériser tout Burundais. Trois personnes, dont une femme, ont été arrêtées ce mercredi par la police de Ruyigi, qui dit mener des enquêtes sur une probable distribution d'armes pendant les dernières élections, surtout en commune Nyabitsinda. Le député Pascal Bizumuremyi, cité dans cette affaire, balaye d'un revers de la main ses allégations. Et le ministère de la Santé publique demande plus de collaboration avec l'administration dans l'éradication du commerce illicite des médicaments. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, célébration ce 13 octobre du 55e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore, mort le 13 octobre 1961. La messe a été dite à la cathédrale Regina Mundi. Au cours de son homélie, l'archevêque du diocèse de Bujumbura est revenu sur la compassion qui devrait caractériser les Burundais, ainsi que l'amour de son ennemi, surtout en politique. Suivez Mgr Evariste Ngoyagoye, traduit en français par Didier Nyonzima. Ceux avec qui nous partageons ceci ou cela, tous ceux-là sont vraiment nos amis. Mais Jésus-Christ nous a adressé une parole importante, difficile, qui nous accable, là où il dit que dans le cercle de nos amis, nous devons y inclure les ennemis. Alors beaucoup d'entre vous dans la politique, je ne sais pas ce que vous faites avec vos ennemis. Peut-être qu'ils sont à éliminer, c'est vous qui le savez. Mais selon Jésus-Christ, celui que nous sommes venus prier, il nous exhorte d'aimer aussi nos ennemis. Cette parole est dure à supporter. Mais en tant que chrétien, je m'adresse surtout à ceux qui vont participer à la Sainte Cène, qu'ils ne le fassent pas par habitude, mais parce qu'ils le comprennent vraiment. Est-ce que dans le cercle de nos amis figurent aussi nos ennemis, comme Jésus-Christ nous le demande, dans le cadre de préparer notre vie éternelle? C'est une question pertinente. Ici, je la pose en fonction de la parole du Seigneur. Vous, dans la politique, vous savez comment y répondre. Mais veuillez consulter aussi votre cœur de chrétien. Jésus a dit, en saluant vos amis ainsi que vos proches, « Qu'auriez-vous fait de spécial que les païens ne font pas ?» Dieu qui nous a créés veut toujours nous faire du bien. Que personne n'utilise Dieu comme prétexte pour faire du mal, parce qu'il est inexistant de s'appuyer sur Dieu pour faire le mal. Ce serait une insulte envers Dieu. Monseigneur Évariste Ngoyagoye au cours de la messe de circonstance au 13 octobre. Dans ce journal, nous revenons sur un extrait du prince Louis Rwagasore où il évoque les véritables problèmes de la nation. Le Burundi a besoin de tous, à quelques partis politiques qu'ils appartiennent. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, la victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquillité publique. Car sans autorité forte, aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès. C'est aussi le triomphe de la démocratie telle que le peuple burundais la comprend et la veut, c'est-à-dire la véritable justice sociale plutôt que les formes extérieures d'une démocratisation des surfaces. L'heure est arrivée de se pencher sur les véritables problèmes de la nation, problèmes économiques surtout, problèmes de la terre et de l'émancipation sociale du peuple burundais. Problème de l'enseignement et tant d'autres, auxquels nous chercherons et trouverons des solutions qui nous sont propres. Il faut surtout que tous les habitants du Burundi se sentent en paix et en sécurité, que personne ne se croit menacé et que chacun ait confiance de la protection du gouvernement. Voilà, c'était le prince Louis Rwagasore. Et je l'avais dit dans les titres, malgré les dissensions qu'a connues le parti du prince Louis Rwagasore, l'Uprona garde la ligne de son fondateur qui prenait l'unité et la démocratie. C'est la déclaration d'Abel Gachatzi, aujourd'hui président de ce parti. Il dit qu'il compte pérenniser cet héritage en luttant pour la paix et la justice dans le pays. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Placide Niyomwongere. son prince aimait le Burundi. Il a donné son corps et âme pour que le Burundi retrouve son indépendance. Aujourd'hui, à Ripona, la première chose pour suivre les traces du prince, c'est de sauvegarder le parti Ripona lequel est passé pour donner l'indépendance du pays. Ce prince voulait l'unité de tous les Burundais. Nous devons sauvegarder cette unité-là que prenait le prince Louis Gwagasore. Il voulait que le pays avance, voulait qu'il y ait la démocratie au Burundi, la paix, qu'il y ait la justice. Au niveau du parti Ipona, il y a un message, un extrait de son discours que vous avez gardé de lui. Lui voulait que le pays soit en paix. Lui voulait une justice. Lui vous combattait les gens, les assassins, il combattait les gens qui souhaitent détruire le pays. Nous allons toujours suivre les traces du prince Louis Gwagasore en conseillant le gouvernement pour qu'il continue à rechercher la paix, à rechercher la justice, à rassembler tous les Burundais autour de l'unité. Et dans ce cas, les Burundis étant ensemble, la paix, si elle est là, elle règne, je pense que le pays va avancer. Abel Gachatsi, c'est le président du parti Prona qui estime que les discours du prince Louis Gwagasore restent toujours d'actualité vu la situation que traverse le pays. C'est le même point de vue de Tassian Sibomana, un des dirigeants du parti Prona non reconnu par le ministère de l'Intérieur. Il estime que le discours du héros de l'indépendance est celui-là dont le peuple burundais a besoin aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que le Burundi pleure et continuera à pleurer l'assassinat du prince. Au regard de sa vision, au regard du contenu de son discours, le Burundi ne cessera jamais de pleurer. Pourquoi ? On dirait que son discours est celui-là même dont le peuple burundais a besoin aujourd'hui. Parce qu'il y fait allusion au problème de pauvreté. Dieu seul sait combien les Burundais vivent aujourd'hui en deçà du seuil minimal de pauvreté. Il fait allusion au problème foncier. Vous savez très bien combien c'est une question épineuse qui a suscité tant de pleurs, tant de grincements de dents, risque même de provoquer une guerre civile. Il y fait référence à l'épineuse question de l'éducation, de la scolarisation des enfants. Ce triste anniversaire arrive à un moment où le système éducatif burundais souffre énormément d'une planification claire. Certaines classes débutent l'année sans aucun livre de l'élève, sans de livre suffisant des maîtres. Ça, c'est triste pour un pays qui vient de faire tant d'années d'indépendance. Il y fait allusion à la sécurité des gens. Nous en avons tant besoin aujourd'hui. Si j'étais à la place de ceux qui président aux destinées du pays aujourd'hui, à l'occasion de ce triste anniversaire, je dirais aux organisateurs, créer un climat de calme total pour que tout le monde écoute et médite sur le discours du prince Louis Gwagasore et sur son contenu. Tassian Sibomana, un dirigeant du parti Uprona non reconnu par le ministère de l'Intérieur et la plateforme des organisations de la société civile Pisque Burundi, indique que le discours du prince Louis Gwagasore devrait servir de modèle au Burundi pour mettre en avant l'intérêt général. Au sein de la Pisque Burundi, et nous disons que après l'assassinat de notre héros, prince Louis Gwagasore, il y a eu quand même une situation mauvaise qui n'était pas quand même bonne. Il y a eu des tueries, il y a eu une famine, il y a eu quand même des problèmes économiques jusqu'à 1993, là où nous avons observé les premières élections démocratiques. Et nous avons eu aussi des élections démocratiquement, nous avons eu des institutions démocratiquement élues, et nous avons eu bien sûr un président qui a fait tout pour que tous les Burundais puissent vivre dans le pays et dans l'harmonie sans distinction aucune. Aussi, nous avons vu une amélioration à ce qui concerne l'économie, aussi socialement. Avec le jour de la célébration de notre héros, Prince Louis Gwagasore, et nous disons vraiment que pour le moment, il y a déjà un pas vraiment remarquable, en disant que notre président, son Excellence Pierre Nkurunziza, doit gouverner le pays et doit travailler pour l'intérêt de tout le monde. C'était Maître Jean-Marie Hindouimana, c'est le président de cette plateforme de la société civile Pisque Burundi. Et promouvoir la liberté sans discrimination aucune, telle est la leçon à tirer du leadership du prince Louis Rwagasore, comme l'indiquent certains habitants de la ville de Bujumbura. Ils le disent ce jeudi où nous commémorons le 55e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Suivez ce micro-trottoir. Dans son leadership, le prince Louis Rwagasore mettait en avant l'intérêt général de la population burundaise. C'est une leçon à tirer là-dedans parce qu'il avait lui-même une devise qui disait « Vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté ». En combattant pour l'indépendance du Burundi, il voulait que le Burundi se charge lui-même de la gestion de la politique burundaise au point de vue sécuritaire, politique, mais aussi en n'oubliant pas la dimension économique. Donc il a milité pour que le Burundi soit indépendant dans tous les domaines. Grâce au prince Louis Rwagasore, il n'y a plus de chicote. Les berges sont partis. Il nous a donné l'indépendance, mais après, il a été assassiné. Et pire encore, il y a eu beaucoup de meurtres. D'autres ont fui. Et si ce prince revenait, il aurait dit que tout ce que j'ai fait n'a rien servi. Jusqu'à maintenant, les gens continuent à mourir. D'autres continuent à fuir le pays, alors qu'il avait cherché l'indépendance pour tous. Maintenant, il n'y a plus de liberté. Il est temps que tous les Burundais s'assoient ensemble pour bâtir le pays et vivre en paix. La leçon à tirer sous le leadership du prince Louis Rwagasore, ce prince montrait à tout le monde l'amour. Il n'avait pas de discrimination. Nous le voyons à travers ceux qui combattaient avec lui pour l'indépendance. Il y avait des Hutus et des Tutsis. Les leaders peuvent prendre exemple sur lui afin que le Burundi puisse se développer. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, trois personnes, dont une femme, ont été arrêtées ce mercredi par la police de Ruyigi qui dit mener des enquêtes sur une probable distribution d'armes pendant les dernières élections. Surtout en commune Nyabitsinda, la police parle d'une forte implication du député Pascal Bizumuremi dans cette affaire. Correspondance de Jean-Claude Chimiriman. Théodette Nakagoma, professeur au lycée Notre-Dame de la Joie, résident au quartier centre de la ville de Ruyigi, Nduimana Bernard Mota, résident à Mahagwa en commune Nyabitsinda, et Léopold Sindi Hevula, résident à Rukaragata en commune province Ruyigi, sont les trois personnes arrêtées chacune à son domicile par la police ce mercredi. Les trois ont été directement placés en détention au cachot du commissariat de police à Ruyigi. Le commissaire provincial de la police à Ruyigi indique que les trois personnes ont été arrêtées pour question d'enquête. Il précise en effet que Odette Nakagoma et Bernard Nduimana auraient joué un rôle dans une distribution de 9 fusils en commune Nyabitsinda lors de la période électorale en 2015. Léopold Sindi Hevula aurait de son côté reçu des grenades et des cartouches. Le commanditaire de toutes ces armées serait Pascal Bizumuremi, actuellement député élu dans la circonscription de Ruyigi sur la liste de la coalition Amizero ya Barundi en provenance du parti FNL Pro Agathon Rwasa. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Et honorable Pascal Bizumuremi, cité dans ce dossier, explique que les allégations portées contre lui ne sont pas fondées et ont un caractère politique. Il ajoute que ces arrestations visent à anéantir les forces des organes d'Amizero ya Barundi à l'intérieur du pays. Suivez Pascal Bizumuremi, joint au téléphone par Placide Niyomungere. Ce sont des conflits politiques, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on évoque cette question après une année, après un long temps? Hier, on a capturé Nakagoma Déodet. C'est une dame quand même qui est parmi les dirigeants régionaux de Ruyigi, Lutana Makamba, Fidèle Dagatonigwa. Et elle a quand même l'espace à son époux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas capturé son époux? Et jusqu'à maintenant, elle est en détention. Mais il y avait un homme qui vient de passer à peu près une année état en détention de Ruyigi, qui n'est pas au nom de l'aéroport. La justice de Ruyigi l'a rendu innocent. Et son aéroport n'a rien dit à propos de ses fusils. C'était hier, après des mois, qu'il a quand même prononcé qu'il est le détenteur de ses fusils. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dénoncé ça avant qu'il soit quand même libéré? Mais étant honorable, alors que votre nom est chaque fois cité, qu'est-ce qui devrait être fait pour cesser ces discussions afin que la province de l'Oyigi retrouve sa paix normale? Il faut les libérer, ces gens qui sont en détention, en train d'être persécutés pour rien. Alors ok, on a fait fouiller à Rerugod, mais on n'a rien trouvé. Santé à présent, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida invite l'administration de travailler en étroite collaboration avec le ministère dans le but d'éradiquer le commerce illicite des médicaments. Tels sont les propos du ministre de la Santé lors de la présentation des réalisations de 10 ministères au cours du troisième trimestre de l'année en cours. Josiane Nijimbele a signalé que son ministère compte fermer toutes les structures qui ne sont pas conformes aux normes sanitaires. Les détails avec Yves Onziman. Au cours de la présentation de ses réalisations, la ministre Josiane Nijimbele a affirmé que le service d'inspection a été mis en place afin d'éviter le commerce illicite des médicaments. On a un service en charge de l'inspection qui fait tout pour faire des supervisions et voir partout où ce commerce se fait. Bien sûr, ceci nous le faisons en collaboration avec l'administration. Nous invitons toujours l'administration à inviter la population à dénoncer partout où se fait ce commerce illicite. On a aussi fait beaucoup en rapport avec les pharmacies parce que nous avons continué la supervision des pharmacies où se fait la vente des médicaments, des pharmacies qui gardent des médicaments périmés. Et là, nous avons fermé ces pharmacies. Concernant la lutte contre l'épidémie de choléra, le ministre a affirmé qu'ils ont enregistré un seul cas de décès pour 300 personnes qui ont été atteintes et que le ministère a tout fait pour lutter contre cette maladie, même si elle persiste encore. Josiane Nijimbele a signalé que son ministère a collecté des fonds pour faire face à l'épidémie de choléra auprès de l'UNICEF, de l'OMS, du Médecins sans frontières suisse et du Médecins sans frontières belgique de 298 358 640 francs bou. Signalons que les activités réalisées au cours de ce trimestre sont entre autres le renforcement des prestations de soins de services de santé de qualité à tous les niveaux du système de santé, le renforcement de la gestion des ressources humaines disponibles, la disponibilité des médicaments et autres produits de santé de qualité et l'accessibilité et autres. Le ministre de la Santé a également fait savoir que les défis ne sont pas manqués au cours de ce trimestre. Il faut citer entre autres la persistance d'un gap financier pour la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire, la persistance de l'épidémie de choléra dans le district de Kabezi et certaines localités de la mairie de Bujumbura. C'était Yves Nkunziman. Et les enseignants de la première année post-fondamentale n'ayant pas suivi la formation de mise à niveau pour ce palier de l'enseignement continuent de dispenser leur matière en suivant l'ancienne méthodologie. Joël Gachaka, directeur du bureau d'études et programmes de l'enseignement post-fondamental, demande à ses enseignants de toujours se faire aider par ceux qui ont suivi cette formation en attendant leur tour. Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Certains parmi ces enseignants hésitent encore à enseigner dans une méthodologie qu'ils ignorent, d'autres enseignent dans l'ancienne méthodologie puisqu'ils sont sans formation sur la nouvelle méthodologie. Ceux qui enseignent comme ils le faisaient avant auront du mal à interroger suivant la nouvelle méthodologie qu'ils ignorent complètement. Ces enseignants demandent d'être formés pour s'acquitter de leurs tâches. Même son de cloche chez Égide Niyonsaba, représentant du CONAPES dans la province de Bururi et Rumonge, qui plaide pour la formation de ses enseignants en faveur des élèves. Joël Gachaka, directeur du bureau d'études des programmes de l'enseignement post-fondamental, dit qu'une formation est prévue à ses enseignants après les rapports irrelatifs des directeurs communaux de l'enseignement. En attendant, Gachaka Joël conseille à ses enseignants d'approcher leurs collègues qui ont été formés sur le terrain. Certains des enseignants formés disent qu'ils ne maîtrisent rien quand ils sont interrogés par leurs collègues non formés. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et pour terminer ce journal, c'est aujourd'hui que notre confrère Eloge Willy Kaneza, correspondant de La Voix de l'Amérique au Burundi, reçoit le prix Peter McLair, édition 2016 à Washington, aux États-Unis. Il l'a remporté le 22 août de cette année. Il a été récompensé pour son courage et respect de l'éthique journalistique durant la période de violence que traverse le Burundi depuis fin avril 2015. Il est 13h15 à Bujumbura. Vous êtes branché sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.